Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton. Tome 4, supplément. Question 63. Des secondes noces. Si les secondes noces sont permises, si elles sont un sacrement. 1. Les secondes noces sont-elles défendues? L'apôtre écrivait, « Je veux que les jeunes veuves se marient et engendrent des enfants. » 1 Timothée 5, 14. Les secondes noces ne sont donc pas défendues. En effet, puisque le lien du mariage est détruit par la mort de l'un des époux, comme on le voit dans l'Épître aux Romains 7, 2, le survivant peut se marier autant de fois qu'il entre dans un nouveau veuvage. C'est pourquoi les secondes de noces, les troisièmes et celles qui suivent sont licites. Note. Cela ne signifie pas que les secondes noces aient toute l'honnêteté des premières, elles n'en ont pas du moins la glorieuse signification, qui consiste à représenter le Christ et l'Église par l'unité d'alliance. Fin de la note. 2. Les secondes noces sont-elles un sacrement? On trouve dans les secondes noces ce qui est de l'essence du sacrement de mariage, à savoir, la matière légitime où les personnes habiles à contracter, et la forme requise, qui consiste dans le consentement exprimé par des paroles dites au présent. Donc le second mariage est un sacrement, aussi bien que le premier. Note. Il est un véritable sacrement, quoiqu'il ne représente pas autant que le premier l'unité d'alliance entre le Christ et l'Église.